بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Ne t'avons-nous pas épanoui le cœur, ôté le fardeau qui accablait ton dos et rehaussé ta renommée? فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Certes, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Eh oui, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Quand tu auras achevé ton œuvre, emploie-toi donc à solliciter ce que tu désires auprès de ton Seigneur.